caresser. Ton bout du revers n'a rien de pervers et ton bébé n'est pas fâché. Ton Kama Sutra a bien son tendage, mon Dieu que c'est démodé. Le n'est plus ultra en ce paysage, c'est démêlé de côté. Hey, ta majesté jamais ne te déplace sans ton petit oreiller. À jamais je suis ton unique classe, tout n'est que prière payée. Tu fais des derrière ton ouvrage, comme un petit pantalon. Te bouer de dos sans perdre courage, dénu de tes obsessions. Tu t'entêtes à te foutre de tout, mais pourvu qu'elle soit douce. D'un poète, tu n'as que la lune en tête, mais grandeur du chaos. Tu t'entêtes à te foutre de tout, mais pourvu qu'elle soit douce. D'un esthète, tu n'as gardé qu'un air pas tout à poser. Prétexte.